crash d'avion irrémédiable. Les statistiques, c'est vérifiable. Une augmentation, je le vaux pas. Comment tu le fais, t'as pas demandé. Faire un régime, j'y arriverai pas. Pourquoi pas toi, t'es pas un cas. Mander sa main, n'en parlons pas. Sorcier. C'est pas sorcier, il faut oser, il faut oser, un peu d'audace, et ça passe, ça passe, pas compliqué, d'avancer, d'avancer, bouge ta carcasse, sous l'impasse, écrire un livre, à sa nom, prends ton stylo et au travail, quitter ce bled, où veux-tu que j'aille. Lève-toi et trouve une solution. Changer de look, je me dégonfle. Exagère pas, t'es pas un pneu. Changer de taf, je suis trop vieux. À 30 et 20, c'est merveilleux. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Il faut oser. Il faut oser. Un peu d'audace. Un peu d'audace. Et ça passe, ça passe, pas compliqué, pas compliqué, d'avancer, d'avancer, bouge ta carcasse, sous l'impasse. Qui tais-toi pour me dire tout ça. Je suis la petite voix qui dort en toi. Je me connais tellement mieux que toi. À ça, mon vieux, c'est ce que tu crois. Je changerai pas. Je suis né comme ça. C'est ce que tu dis, t'arrête pas là. Comment tu ferais à ma place. Un peu d'audace et ça passe. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Il faut oser. Il faut oser. Un peu d'audace. Un peu d'audace. Et ça passe. Ça passe. Pas compliqué. Pas compliqué. D'avancer, d'avancer, bouge ta carcasse, sous l'impasse. C'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Il faut oser, il faut oser. Un peu d'audace, et ça passe, pas compliqué, d'avancer, d'avancer, bouge ta carcasse, sous l'impasse.